Puisque j'ai mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Beau les cœurs! Suite à l'action Slam Alam très féconde en 2018, le collectif des radios locales des Vosges lance un nouvel appel poétique. Une action soutenue par les collèges, lycées des Vosges, notamment le collège du Tillot, Contrexéville et le lycée de Bruyères. Par les médiathèques du département, Culture C'est Nous et les associations littéraires des Vosges. Des prix du public seront attribués. Vous, auditeurs, êtes donc appelés ainsi après chaque émission à nous faire part de vos coups de cœur. Un regroupement des meilleurs poèmes créera un lien final. Et aujourd'hui, pour notre 8e émission, vous allez entendre les textes de première S1 et première S2 du lycée de Bruyères, lus par Vincent, Chris et moi. Très bonne écoute. Toute fanée, j'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir. Mille et une couleurs de Pierre mais Juliette. Pourquoi tu me regardes cet air méprisant? Je suis ton frère, un humain de chair et de sang. Qu'avons-nous de différent? Nous sommes typiques par notre physique, notre lieu de naissance, notre musique. Ma peau est blanche, la tienne est noire, et alors, cette différence nous sépare? Ta mère est-elle si différente de la mienne? Elle aime ses enfants comme la tienne. Elle m'a dit « je veux être fière de toi ». Ça doit être la même phrase chez toi. Tu vois, au final, nous sommes tous des humains. Il suffit de se tendre la main pour qu'ensemble on puisse renaître, loin de ses regards, loin du paraître. Ne pas tourner le dos au premier regard et faire preuve d'un peu d'égard afin de former ensemble un arc-en-ciel et de finir par unir tous nos pluriels. François Colline, première ES2. Pourquoi tu pleures? On sait, toi et moi, que ce n'est pas le monde qu'on avait en tête, mais on se disait qu'on avait le temps, quoi. La terre s'est offerte à nous pour y construire une vie parfaite. Elle souhaitait juste préserver son apparence fluette. Aujourd'hui, elle est devenue une poubelle, notre planète. Elle a chopé le cancer des humains, ces démons, à force de respirer leur merde à plein poumon. On lui a percé son manteau protecteur. Maintenant, elle a trop chaud, touchée en plein cœur. Elle pleure, elle pleure, elle pleure, ma planète se meurt. Elle sent sa faim qui est proche, elle sent sa faim qui approche, et ça la rend folle et moche. Vous qui osez faire de la terre un désert, vous qui osez faire une poubelle de la mer, cette terre n'est pas à vous. Même les aliens ne veulent pas de nous, même les aliens nous traitent de fous. Depuis toujours, on a lutté pour en finir là, et maintenant on ne sait plus en quoi, on peut encore la transformer, on ne sait plus comment tenter de la sauver. Mais même si on a perdu ce soir, demain sera un monde meilleur, on peut y croire. Il faudra changer nos habitudes, accepter de se défaire nos certitudes, pour la beauté, avoir de la gratitude, arrêter nos turpitudes sous toutes les latitudes. Alors oui, à cette condition-là, la beauté refleurira, l'eau, l'air, la terre, tu les dépollueras, et le paradis nous reviendra quand la nature tu défendras. Ma lettre de Brière Manon, première ES2. Sur la destinée de nos enfants, il pleura fort la plupart du temps, car notre terre est à l'épuisement, à cause de ce putain de système qui nous ment. Toujours accroché à nos bagnoles, on souhaite polluer nos métropoles. Au cœur des vies d'ordures, tu vas voir, la planète crève, tu l'as tuée hier soir. Des bébés modifiés par la science, des pesticides déversés sans conscience, des déchets, des centrales, c'est le progrès qui avance, mais plus personne pour faire confiance. Des 06M dans les rations, des phtalates dans nos biberons, c'est sans danger, vas-y, prenons pour des cons, mais le peuple avance comme des moutons. Accro au réseau, accro au portable, l'homme est devenu animal pitoyable. Certains ouvrent les yeux et veulent dire non, mais les autres se taisent et se font une raison. Faut foutre ses progrès aux chiottes et se retrouver frères compatriotes. Faut détruire ce monde de mal et reconstruire enfin une vie normale. Notre cœur, par Colline Leclerc, premier S1. L'amas de chair tremble vivant, le sang chaud crépite, gorgeant, chaque veine bleuâtre de son liquide, violemment il active nos corps. Oui, beau cœur, chante ta belle peine encore, chante et berce tout mon corps. Babam, babam, babam, tout s'active et se meut si brusquement, et tout vit frénétiquement, l'organe court défiant la mort, chaque pas plus grand et plus fort. Il fait bon vivre et danser, nos sens endiablés et harassés, par tant de beauté subjuguée, inventeur de nos moindres mouvements, régisseur de tous nos tourments, jusqu'à nos plus petites erreurs. Babam, babam, babam, et voici que nos âmes brûlent, et voilà nos yeux clairs qui pétillent et l'amour. Notre muscle brille en milliers de molécules jusqu'aux plus infimes particules. Il propage son joli murmure magique, ce grand bruit éclatant de la vie, quand chante sa belle mécanique, quand danse sa valse frénétique et extatique. Nous restons quoi, fascinés et ravis, quand notre cœur soudain scintille. Drogue, Bichebois, Léna, première ES2. Substance ingurgitable, reniflable, parfois piquable, rendent nos frères et sœurs misérables. Pour elles, les gens font choses hallucinantes, parfois même humiliantes et gênantes. Parfois tabou, la drogue te pousse à bout, elle te tient, te serre le cou et tu es sous son joug. Elle te tient, elle te rend fou et de toi se joue. Quand tu commences, c'est amer, mais bientôt c'est la civière. La drogue te rend violent, insolent, dépendant. Elle change tout ton environnement, ta mère pleure à s'en noyer. Tu lui as volé son fric, elle peut plus payer le loyer. Il n'y a que ta fin qui sera tragique, en asile ou en prison, loi de ton trafic. Tu deviendras une loque humaine. Réveille-toi, regarde où ta reine t'amène. Réveille-toi avant que l'overdose t'emmène. On est là pour t'aider, te soutenir, t'épauler. On est là pour t'arrêter avant la chute dans le fossé. Le signe poète par Olivia Miette, première ES2. Les plus heureux sont les chants les plus émouvants, et j'en sais d'immortels qui sont de purs étonnements. Lorsque le cygne, ivre d'une longue et belle journée, dans la brume du soir retourne à ses marais, ses petits rassasiés courent sur la bordée en l'admirant de loin atterrir près des quais. Déjà, s'apprêtant à partager leur enjouement, ils courent à leur père avec empressement, ils les laissent s'amuser et vivre éternellement. Les festins humains que les poètes servent à leurs fêtes sont la plupart du temps semblables à ceux des cygnes, lorsqu'ils parlent ainsi d'espérance tout en cœur, d'émerveillement, de joie, d'amour et de bonheur. C'est un spectacle à exalter les cœurs. Et leurs louanges, comme des confettis, excitant l'ardeur des pupilles, dessinent dans l'air des figures éclatantes ou plantent en rêvant quelques plumes éblouissantes. Ce matin-là, de bon temps, Léa, première ES2. Ce matin-là, j'étais dans un mood, je t'ai vu et ma tête a vrillé, t'étais là devant moi comme on s'accoude, t'étais là dans mon viseur. Je t'ai dit, finis ton œuvre, je t'ai dit, tu sais pas ce qui t'attend, bientôt t'as plus le temps, tu meurs, tourner en boucle dans ma tête tout le temps. Ce matin-là, j'étais dans un mood, je me rappelle ton visage d'enragé, et puis d'un coup, pan pan pan, je te vois encore là devant moi gisant, ton corps froid comme mon cœur, à ce moment-là, j'ai plus peur. Pas de remords, pas de regrets, tu t'étais bien amusé à me tabasser toutes ces années. Je me rappelle du jour où on m'a appelé. Madame, votre mari s'est réveillé. Merde, je t'avais trop mal visé. Pourtant, je revoyais ton sang sur mes vêtements. Alors, j'ai pris mes affaires et me suis enfui. Je t'ai laissé seul avec tes ennuis. Tes poings, tes pieds et tes couteaux pour conscience. Putain, meilleur choix de ma vie. J'en ai conscience. Aujourd'hui, loin de toi, je suis heureuse. Tu l'es aussi, du moins je l'espère. À présent, je te maudis plus. Pour moi, t'es redevenu un inconnu. Ce matin-là, j'étais dans un mood. J'aurais pas dû tirer. Mais t'as pas besoin de m'absoudre, il fallait pas me frapper. J'ai tiré pour mis ma lèvre à ta bouche encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme parfum dans l'ombre ensevelie. Et voilà pour les textes de première S1 et première S2 du lycée de Bruyères. Sachez que vous êtes les bienvenus à participer. Faites-nous parvenir vos poèmes sous forme sonore, fond musical possible, par clé USB ou WeTransfer à beaulescoeur@radioguemozo.eu ou sous forme écrite à Radio Guemozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous lirons avec grand plaisir vos textes à l'antenne. Cette émission sera rediffusée samedi à 15h et à mercredi prochain pour de nouveaux textes. Très belle journée sur Radio Guemozo. Je puis maintenant dire aux rapides années, passez, passez toujours, je n'ai plus à vieillir. Allez.